Eh bien, bonjour Philippe, bonjour Bonjour. Rodrigue. Voilà, je peux commencer mon enregistrement maintenant que tout le monde est là. Vous allez bien? Si vous commencez l'appel à 59, moi j'avais 59, alors c'est vrai que je me suis fait prendre deux cours. Non, je commence, je l'ai lancé à 59, bon, presque 60. Alors, vous étiez productif là, hein? Productif in extremis, parce que In c'est extremis, oui, ben, je ne voulais pas le dire, mais tu le sais. Comment fait-on pour... On relit ce texte ensemble, parce que là, bon, je l'ai relu déjà une fois ou deux, mais est-ce qu'on recommence? Comment fait-on? Comment tu vois ça? Je sais pas, donnez un peu votre avis sur ce qu'on pourrait mettre, sachant que au plus tard, c'est pour le 25, donc je traînerai pas, quoi. Bon, c'est bien, on a le temps jusqu'au 25, comme tu es productif à la minute. Donc, Philippe, tu es rentré à Strasbourg? Oui, je suis rentré à Strasbourg. C'est vrai que je voyage beaucoup en ce moment. J'étais à Meysserie, donc bord du lac Léman, pour travailler sur l'électricité et l'énergie de la grosse maison. Donc ça va, j'ai pu tirer des conclusions parce que ce soir, en plus, il y a une réunion de conseil d'administration où je dois faire une présentation Oh là pour là. ça, pour qu'il y ait des investissements et des prises de décision. Donc j'ai été beaucoup au four et au moulin. Par ailleurs, mardi dernier, il y avait l'assemblée générale de l'association Le Cap des Possibles, donc à Auray, à Ah. laquelle j'ai assisté pour savoir un petit peu à qui j'avais affaire et quels étaient les objectifs et le dynamisme de cette association. Intéressant. Et puis, Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu en as pensé? eh bien, là-dedans, j'ai prévu, j'ai jeté sur papier en fait ce que j'en avais pensé. Ça regroupe en fait. Pour dire un peu le contexte dans lequel je suis, là, déjà ce matin, sur France Inter, on a reparlé de toutes ces personnes qui, avec la crise du Covid, se sont aperçues du manque de sens dans leur vie professionnelle et se sont lancées dans des formations plus pratiques pour changer de métier, espérant y trouver plus de sens. Et puis, à l'Assemblée générale, ça regroupait aussi essentiellement des personnes cherchant du sens à leur vie. Des actions sont essentiellement sociales et terre à terre. Le problème est toujours dans ce qu'on avait déjà vu, Claude et Rodrigue, c'est que la réponse des gens ciblés, alors eux, ils sont plutôt sur des secteurs un peu sociaux, elle est très faible et majoritairement terre à terre. On envoie les enfants un peu pour s'en débarrasser, ou bien en espérant trouver un emploi, une collation. Vont bien avec les enfants pour profiter d'une activité encadrée, ce qui évite d'en inventer une. Ce qui fait que les personnes qui sont dans cette association ont l'impression de donner beaucoup pour très très très peu de retour. Voilà. Tu parles du cap des possibles. Du cap des possibles. Oui, c'est pas nouveau, ça. C'est pas nouveau. Voilà. Donc ça confirme un peu ce sentiment que pour mobiliser les gens, on ne sait pas trop comment faire. Pour les sortir de la télé, c'est pas évident. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire pour réagir par rapport à cette situation qu'ils contrôlent mal? Ils veulent faire du porte-à-porte. Ah. Et dans un secteur social, le porte-à-porte, c'est pas aisé, hein. Ce sont des gros immeubles là, qui sont rue du Commandant Charcot, là, dans un endroit où il y a des immeubles des tours, là, quasiment. Ils se posent des questions, ça c'est clair. Et d'autant plus que la plupart de ces personnes, sauf les deux salariés de l'entreprise, ce sont des personnes de troisième âge, quoi. Et Ah oui. d'accord. Et dis-moi, quel lien peut-on faire entre le jardin merveilleux et le cap des possibles? Alors le lien, c'est que j'ai retrouvé un peu les fondements et l'objet les statuts de cette association. Et c'est essentiellement, ils mettent mouvement de levier de changement individuel et collectif pour un mode de vie harmonieux et respectueux de l'environnement sur le pays doré. Bon. Donc, c'est extrêmement large. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un, comme tu disais, quand on parle de autrement, qu'est-ce que c'est qu'un mode de vie harmonieux ? C'est toujours la question qu'on peut se poser. Hein. Est-ce que harmonieux, ça veut dire la même chose pour tout le monde ? Et est-ce que le jardin peut être une réponse ? Alors pour eux, c'est une réponse, parce qu'ils ont déjà deux endroits, un jardin, mais ils se retrouvent un peu tout seuls pour le faire. Et ce sont des espaces collectifs, voire publics, qui ont été passés par la mairie ou par le syndic local pour pouvoir faire justement ce genre de jardin collectif ou collaboratif. Donc pour l'instant, ils ont fait des carrés dans lesquels ils ont mis des herbes. Des herbes aromatiques, des choses comme ça. Ils ont fait des opérations de plantation. Mais en fait, ce n'est pas très... Tant que les gens ne sont pas mobilisés ils ne sont pas très respectueux de ce qui est fait. Même quand ce sont les enfants qui le font. Alors les enfants sont respectueux parce qu'ils ont participé, mais en fait, entre les adultes et les jeunes, les grands jeunes, qui s'en foutent, et puis les chiens qui vont se mettre dedans, ils sont pas très heureux. Oui. Bon, ça, c'est le côté espace collectif que j'ai voulu éviter en devenant propriétaire à Auray, quoi. Donc, là, c'est à nous de gérer, quoi, là-dedans. Il y avait beaucoup de monde. Pardon ? Il y avait beaucoup de monde. Pour l'Assemblée générale ? Assemblée, oui. Alors, ils se présentaient comme ayant, je crois, 80 ou 90 adhérents. Par contre, comme c'est en début d'année, là, ils n'en avaient que 31. Ce qui a permis au niveau de l'AG de se tenir, puisque tu sais qu'ils font un quorum, et que le quorum était atteint, puisque on était 16. Donc, ça allait. C'était en visioconférence. Si les 80 avaient cotisé, là, on était en dessous du quorum, bien entendu. Et ça s'est passé en visioconférence. Et ça s'est passé en visio. D'accord. Bon, alors, conclusion. Qu'est-ce qu'on fait avec le cap des possibles ? Eh bien, on continue. On va faire le... Moi, j'ai le texte que je vous propose, c'est le texte que je vais proposer, que je... chez eux, avec les deux petites photos, puisque j'étais limité en fait dans la taille des photos en DPI, donc elles sont à la taille demandée. D'autant plus que c'est un journal web, donc il faut que les photos soient pas trop lourdes pour que en fait ça puisse s'ouvrir facilement, ne serait-ce que sur les téléphones. Tu parles du cap des possibles, quoi, du jardin. Du cap des possibles. Oui. D'accord. Ok. Et quand des photos, tu parles de la photo du jeu du violoncelle et la situation géographique du jardin. Oui, parce qu'à chaque fois, la question m'est posée. Donc, une bonne fois pour toutes, qu'on montre où est-ce que c'est. C'est très bien. Bon. Mais je pense que... Ce qui veut dire aussi que les gens, même quand on leur fournit le site web, ils n'y vont pas. Donc, il faut vraiment leur donner la béquille. Quoi. Écoute-moi. Je pense que si tu fais une carte, mets le pont d'Auray, le pont de Saint-Goustan. D'accord. Ça sera parce que les gens se positionnent par rapport à ça. Parce que là, ce que tu indiques, c'est une zone, bon, je ne veux pas dire qu'ils ne la connaissent pas, les Alréens, mais bon, avec le pont, c'est mieux, quoi, tu vois ? Oui. Et d'ailleurs, pour beaucoup de choses, avec le pont, c'est mieux. D'accord. Mettre le pont de Saint-Goustan sur la carte. Hop. Voilà. Et ta carte, je ne sais pas si elle sera très visible. Hein. Parce que ce que tu nous as envoyé, c'est un document sur le PDF, si tu veux. On ne voit pas grand-chose. Hein. Ben on voit le méandre de la rivière. Oui, mais c'est tout. Et c'est tout. Avec le point rouge, enfin avec la petite flèche rouge, on voit ce que c'est. Voilà, d'accord. Ok. Bon. Est-ce qu'avant de parler du rédactionnel, on pourrait parler du calico? Oui, c'était... Sachant que le calico, c'est pour moi le résumé du rédactionnel. Non, hein, je sais c'est pas. Ça, oui. Ouais, on peut voir ça comme ça. Oui, tout à fait. Alors, du 20 au 28 mars, venez sommer du 9 ici au Jardin Merveilleux. Okay. Je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, Rodrigue, quand tu lis cette phrase-là, ça te dit quelque chose, ça t'apporte quelque chose? Pas spécialement, j'écoute. T'écoutes. Je n'ai pas grand-chose à dire à ce sujet. D'accord. Dans le cadre de l'opération La Grande Lessive, alors, pourquoi on dit dans le cadre de dans l'opération de La Grande Lessive, on vous expliquera. Je sais pas, en termes de français, ça me gêne, ça. Quand tu dis dans le cadre... Il y a soit une virgule qui manque, soit un point qui manque, soit un D majuscule dans qui est en trop, quoi, parce que pour moi, il n'y a pas de D majuscule. Oui, alors ça, c'est une question de ponctuation. Mettons un point à la fin. Je ne sais pas, ouais. Je pose la question. Non, mais c'est important. Mmh. C'est important parce que la façon dont on s'exprime, ça... Et puis, quand tu dis « venez ici au Jardin Merveilleux », il n'y a pas de J ni de M majuscule. Est-ce que c'est voulu? Ah, c'est bien. Oui, d'habitude, je mets du grand J et du grand M. Voilà. Hop, voilà. Dans le cadre de l'opération La Grande Lessive, on vous expliquera le Jardin Merveilleux. Ça, c'était ce qu'on s'était dit. Et oui. Le cartoon de Rodrigue, on va y venir parce qu'il nous a produit des choses intéressantes. Mais moi, je fais mal le lien, depuis le départ d'ailleurs, entre le Jardin Merveilleux et la Grande Lessive, quoi. Oui. Ça... Parce qu'en plus, ça ne veut rien dire aux gens, quoi. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, Rodrigue? Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Oui. Oui, c'est pas évident de formuler ça d'une façon un peu, comment dire, les gens doivent en effet tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Ouais. C'est attractif et puis il y a un objectif aussi qui doit figurer quelque part. Si on dit « venez, on vous racontera », c'est naturellement... Les gens maintenant se bougent si peu pour. C'est pas motivant. Ouais, c'est pas. Je me demande si on ne devrait pas motiver ou. Je ne sais pas. Je dois encore y réfléchir. Parce... Mais c'est même pas très informatif puisque ça ne dit que rien du tout pour le moment. Bah... Mais très, très. Alors Alors, moi, déjà, puisque le texte n'est pas très causant, effectivement, c'est un peu abscon, quand tu lis ça, quoi, hein, parce que c'est une annonce, quoi, c'est un truc qui doit flasher et tout de suite correspondre à quelque chose dans l'esprit des gens. Mm-hmm. Quand tu leur dis « venez semer du neuf », déjà, tu ne comprends pas forcément. Ici, au Jardin Merveilleux, voilà. Venez semer au Jardin Merveilleux, point d'exclamation. Et la Grande Lessive, moi, je ferai l'impasse un peu là-dessus, mais c'est moi, hein, encore une fois. Et on vous expliquera le Jardin Merveilleux. Ça me paraît intéressant. Venez semer et on va vous expliquer le Jardin Merveilleux. Tu vois l'enchaînement, Philippe? Oui, moi, de toute façon, le cadre de l'opération Grande Lessive, ça me gênait parce que j'envisageais le calico. Un calico, c'est pas donné, hein, financièrement. Donc, je voulais éventuellement le réutiliser. Et j'avais mis en jaune, en fait, les choses qui pouvaient être changées. Avoir un grand calico sur lequel tu peux changer la date et l'action pour pour pouvoir mettre autre chose plus tard dans l'année ou les années suivantes. Et par contre, la grande lessive, ça coince. Donc, supprimer le cadre de la grande lessive, c'est pas, ça ne me gêne absolument pas. Alors, par contre, il faut faire un lien entre venez semer du neuf. Alors, il faut expliquer, ici au Jardin Merveilleux, on vous expliquera le Jardin Merveilleux. Bon, moi, ça me paraît intéressant. Bon, il faut trouver le lien entre la première et la deuxième ligne. Et puis, il y a quelque chose qui peut aider, c'est les cartoons de Roderick. Moi, j'ai bien aimé le cartoon où tu vois le gars qui arrive avec son pot de fleurs pour venir semer, quoi. Pour venir planter, quoi. Oui. Celui-là, il est causant. Il faut juste mettre Jardin Merveilleux sur la flèche. Quand tu vas libre au sujet de ces caricatures, ils sont modifiables. Ça ne me dérange même pas si on ne les utilise pas. Donc, ça, il faut que ce soit très clair. Mais c'est vrai que ça attire un petit peu l'attention quand il y a un dessin ou quelque chose comme ça. Comme une photo. Une photo personnalise la chose. Ça rend vivant. C'est ça qui est intéressant. Ça rend vivant, oui. Et c'est parlant. Parce que c'est comme un symbole. Quand tu vois le gars qui arrive en courant avec sa plante, bon, alors, il peut y avoir antinomie entre la plante du gars et le venez semer. Quand tu sèmes, tu ne sèmes pas des plantes. Oui. Ou tu plantes, mais tu ne sèmes pas, quoi. Hein? Les gens vont se dire, on peut seulement venir si on vient avec une plante, et quelle plante, et... Voilà. Et bonne. Alors que si tu mets un semeur, je ne sais pas, dessiner un gars avec une plante, c'est une chose simple, mais dessiner un gars qui sème, c'est un petit peu plus compliqué. Mais je pense que ça serait bien, quoi. Je note. Hein, qu'on vient semer. Je sais pas, est-ce que tu peux faire une petite caricature où l'action de semer est clairement identifiable facilement? Oui, tout à fait. Tu le vois bien, ça? C'est en effet mieux que de venir avec un pot, avec une plante. Voilà, mais l'idée est bonne, si tu veux. Oui. Et puis la flèche, sur la flèche, ben tu mets Jardin Merveilleux. Je sais pas, c'est peut-être ce que tu avais prévu. Oui, ou pas, on peut mettre à telle et telle date, telle et telle heure, on peut tout, ou l'adresse. Oui, mais là, tu n'en as pas besoin, puisque c'est déjà dit sur le calico. C'est vrai, c'est vrai. Donc, tout ça, c'est ouvert, je peux faire un petit nuage, des flèches. Moi, j'aurais mis merveilleux seulement sur le panneau. Par exemple. Oui. Oui, alors j'ai mis un petit peu n'importe quoi, une fois avec un point d'interrogation. Ouais. Qui se dit, mais qu'est-ce que c'est, un peu comme ça. Mais ça, c'est pas bien, quelque part. Mais ce sont juste des exemples. Mais ce qui est bien, c'est le gars qui court. Parce que ça, c'est dynamique. Ça, c'est... le gars, il se précipite pour venir voir, quoi. Ouais. Je sais pas, moi, je sens bien, ça. Je peux même en faire plusieurs, puisqu'il y aura peut-être des femmes qui se sont dépassées, puisque c'est un petit monsieur qui, actuellement, dessine. Non, attends. Ça y est. on n'est pas en Suisse, hein. On n'est pas en Suisse, t'es chez les Bretons. Bon, par contre, ce qu'il faut, c'est faire le joint. Venez semer. Alors, du neuf, ça. Pourquoi t'as mis du neuf pour faire le joint avec la rue Neuve, comme tu le dis? Voilà, c'est ça. Et puis pour te faire parler, parce que j'étais sûr que tu allais rebondir là-dessus. Oui, mais d'accord, mais c'est pas Black Bel Air qu'il faut convaincre d'arriver avec quelques semailles. Je sais pas, pourquoi tu dis ça, du neuf? Du neuf, bah oui, parce qu'on est entre rue Neuve et quai Neuf, ça c'est clair. Et puis du neuf parce que ça fait référence justement à À l'idée générale. En fait, toute la dynamique dont on discute. À l'idée générale. Voilà. Alors, à ce moment-là, je ne le mets pas entre parenthèses, je le mets en guillemets, entre guillemets. Venez semer du neuf, entre guillemets, au jardin merveilleux, avec un J majuscule et un M majuscule, oui. Ou simplement un M majuscule et un J minuscule, je ne sais pas. Non, mais c'est bien. Jardin et merveilleux, les deux, on en a bien discuté, et les deux sont importants. Voilà. Alors, après, il faut faire le lien. On vous expliquera le jardin merveilleux. Toute petite question. Est-ce qu'il faut mettre deux aulerées ou un aulerée ou pas mettre aulerée ? Le jardin merveilleux, je ne sais pas qui l'avait proposé la dernière fois, mais d'ajouter aulerée quelque part. Ou laisser simplement le jardin merveilleux tout court. À mon sens, moi, je ne préciserai pas aulerée, puisque le calicot, il se situe bien ici, donc oui. À aulerée. C'est évident. Par contre, sur le rédactionnel, il faudra causer d'aulerée. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait Philippe. Oui. Mais par contre, moi, ce qui me gêne, c'est le manque de lien entre du 20 au 28 mars, venez, etc. On vous expliquera le jardin merveilleux. C'est bien le message qu'on veut passer, mais il faut un lien, quoi, entre venez semer et on vous expliquera le jardin merveilleux. C'est plus une question d'expression française. Mmh. Ce qui est intéressant par rapport au cap du possible, où ça a l'air statique, c'est que cette aventure ici avec le jardin merveilleux est neuf, nouveau et dynamique, action. Mmh, tout à fait. Et ils ne vont pas apprécier, hein, puisqu'ils se sentiront peut-être un tout petit peu embarrassés, je ne sais pas. Mais c'est une bonne idée de dynamiser ce côté dynamique, neuf, surprise. Voilà. Et surtout, quelque part, on fait savoir qu'il y a un côté, je ne veux pas dire philosophique ou spirituel, ce qui manque un peu au cap du possible, si j'ai bien compris. Mais il y a un plus, il y a une dimension supplémentaire, à part du côté dynamique et nouveau. Alors, est-ce qu'on le dit sur le calicot ou pas? Pour l'instant, on ne l'a pas dit. On l'a entredit sur le rédactionnel, mais sur le calicot, on ne l'a pas dit. Pour ma part, moi, je laisserai planer. Venez, on va vous expliquer. Mais venez, parce que on peut commencer à donner un peu envie sur le rédactionnel, mais ça, on va le voir après. Mais là, l'objectif de ce calicot, c'est de dire, bon, allez, du 20 au 28, venez nous voir. Est-ce qu'il faudrait stimuler ça avec un vin chaud ou avec, je ne sais pas, du thé ou n'importe quoi? C'est un engagement, hein, parce que du 20 au 28, ça fait 8 jours. Hein. C'est un samovar qu'il faut. Il faut un samovar. Il n'y a ni électricité, ni eau hein, sur place. Hein. Non, c'est vrai. Non, mais... Ça peut se faire, mais je ne sais pas s'il faut annoncer ça, parce que là, c'est peut-être un peu lourd. C'est un engagement, tu as raison. Ouais. Ça n'empêcherait pas de le faire, mais par contre, de l'annoncer, après ça, tu es engagé, ça c'est sûr. Et puis, encore une autre chose, c'est que semer, c'est magnifique, c'est très symbolique. Mais beaucoup de gens vont se dire, mais semer quoi, et pourquoi, et comment? Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la sensibilité du jardin, de la nature. Et est-ce qu'il faut se poser la question si on doit préparer nous-mêmes des choses que les gens peuvent semer? Donc avoir à disposition déjà des graines ou de je ne sais pas quoi. Moi, je dirais plutôt, ce sera un petit peu plus directif que toi, Roderick, je dirais, venez avec vos semailles, Donc les gens s'impliquent et bien sûr, il faudra que le 19, par exemple, eh bien, il y a un carré de terre qui soit retourné pour que on puisse accueillir les semailles, quoi. Un carré ou autre chose, peu importe. Mais venez avec vos semailles. C'est d'abord apporter quelque chose, c'est un geste, hein. Ensuite, tu viens planter, ce qui est un autre geste. Et après, ben, tu vas suivre ça, quoi. Mais tu vas planter ta graine et en même temps, tu vas faire maturer l'esprit, quoi. Et c'est ça où il faut expliquer le jardin merveilleux. Et faire le lien, me semble-t-il, entre les semailles et l'explication du jardin merveilleux. Parce que c'est... Il y a un corollaire, là. Bon, mais l'expliquer avec peu de mots n'est pas facile. Oui. Qu'est-ce que tu en penses, Philippe, de ça, déjà, le cheminement, là? Moi, je le modifie au fur et à mesure qu'on en parle. Et moi, je disais, de toute façon, trois lignes, c'était le grand maximum. Hein? Pour l'instant, on n'a plus que deux lignes. Oui. Ce n'est pas gênant. Non, pas du tout. Parce que ce sont les deux lignes forces. Parce que le cas de la grande lessive, de toute façon, je l'aurais écrit en petit. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Par contre, c'est vrai qu'on peut peut-être donner des indications directement, même en petit, sur ce que les gens doivent apporter, en gros. Hein. Mais si tu dis « venez avec vos semailles », oui, ça veut tout dire, c'est large. Mais il y aura des gens avec des pommes de terre, hein, j'en sais rien. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? C'est pas grave. C'est qu'ils viennent avec quelque chose. Et ça va prendre la place. Hein. Mais bon. Ah ben, à ce moment-là, Philippe, il aura prévu une bêche, etc., pour que celui qui arrive avec sa pomme de terre retourne son carré de terrain. c'est intéressant. C'est intéressant aussi. C'est mieux de laisser ouvert que de dire. De préférence pas de légumes. Ouais, tout à fait, tout à fait. Si vous venez avec des pommes de terre, choisissez plutôt les... les rates. Les petites rates bretonnes. Les petites rates bretonnes. C'est ça qu'ils amèneraient le caisseur. Bon, par contre, on n'a toujours pas le lien entre les semailles et l'explication, quoi. Je suis en train de penser à justement une référence au jardin suspendu. Trop compliqué. Non, par contre, on pourrait dire venez avec vos semailles au jardin merveilleux. Et alors, attends, j'avais trouvé un truc. Et on vous en donnera le sens. Tu vois ce que je veux dire? Ou une idée du sens. Bon, c'est ça qu'il faut peut-être travailler, quoi. Oui. Hein, quand tu dis on vous l'expliquera, c'est bien. Bon, par contre, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On va expliquer le jardin merveilleux. Bon. En fait, d'ici là, il y aura des panneaux qui auront été faits et que l'on mettra sur le grillage, expliquant le jardin merveilleux, parce que même quand il y a plusieurs personnes, c'est pas évident de... Surtout encore dans ce contexte de pandémie, de contenter tout le monde à la fois. Quoi. Mais il faut mettre quelque chose sur le calicot, Philippe. Oui, bien sûr. Moi, je mettrais « Venez avec vos semailles ». Bon, alors, ça escamote un peu le neuf, quoi. Hein. Ici... Par contre, le 9, on va le faire remonter dans le rédactionnel. Parce que là, ça c'est bien de l'expliquer. Parce que là, il y a des choses à dire. Venez ici aux jardins merveilleux. Non, j'aurais pas mis venez avec vos semailles. Parce que semer, c'est action. Venez avec les semailles, c'est je viens avec mon stock. C'est pas tellement l'objectif. Ouais. D'accord. Par contre, c'est une précision. Mais On peut apporter ces semailles. C'était pour raccourcir. Oui. Ou apporter vos semailles. Si tu veux. Oui, ça c'est dit. Oui. Alors, du 20 au 28, apportez vos semailles. Apportez vos semailles au jardin merveilleux. Non, je le mettrai à la place de la grande lessive, c'est-à-dire du 20 au 28-21, venez semer du neuf au jardin merveilleux, apportez vos semailles, on vous expliquera le jardin merveilleux. Bon, c'était pour gagner de la place, gagner... Je sais pas. Ouais. Redis ça doucement. Du 20 au 28 mars 2021, venez semer du neuf au jardin merveilleux. Apportez vos semailles, on vous expliquera le jardin merveilleux. Apportez vos semailles et on vous expliquera. Oui. Donc ça ouvre des portes. Ouais. Ce qui ouvre des portes, c'est l'action semée. C'est le neuf, ça pose la question. Apporter vos semailles, ça précise que les gens doivent venir avec quelque chose qu'ils auront choisi. Tout à fait. Et on vous expliquera le jardin merveilleux. Vous aurez du grain à moudre sur place, c'est le cas de dire. On peut dire aussi, du 20 au 28 mars, le jardin merveilleux accueille vos semailles. C'est passif, ça. Ouais, mais moi, j'aime bien le mot accueillir. Ça me fait penser, en fait, à ces magasins où tu as trois pulls et deux chemises avec des gens qui attendent derrière leur caisse que quelqu'un rentre pour pouvoir acheter. C'est assez passif. Oui, on est accueillant, mais on n'a eu personne. Un peu, d'ailleurs, ce qui s'est passé dans les stands qui ont tenu ici et là le cap des possibles, où ils avaient préparé leurs trucs, leurs affiches, et puis la table et tout ça, puis ils attendaient, puis ça... Rappelle-toi ce que je t'ai dit, le cap des possibles, c'est ça. Oui. Rappelle-toi, quand je t'ai parlé de cette association, je t'ai dit que c'était assez passif. Mmh. Bon. Alors, il ne faut pas que ça soit passif. Là. Non, nous sommes d'accord. Ouais, mais tu as le petit croquis de Roderick. Alors on peut mettre nous accueillons vos semailles. Ouais, et après comment tu dis? Du 20 au 28 nous accueillons vos semailles. Non, je garde le venez semer du. Ouais, garde-le. Il faut mettre le petit dessin de Roderick. Oui. Moi j'aurais mis apportez vos semailles et on vous expliquera le jardin merveilleux, le dessin de Roderick et puis voilà. Le dessin de Roderick, il est à droite. Mais est-ce que vous n'avez pas peur que les gens vont interpréter ça comme une nouvelle forme de jardiner qu'on reste très terre à terre. Y aurait-il quelque part un tout petit message à insérer qui dit que il y a le côté basique, mais il y a aussi une autre dimension. Enfin, c'est très difficile à expliquer, naturellement. Mais j'ai peur que les gens vont se dire « Ah, c'est peut-être une nouvelle forme de permaculture. » Enfin, je dis n'importe quoi. Mmh. J'ai un peu peur que ce sera un peu... Alors, oui, je pense que tu as raison d'introduire un petit peu de spirituel, quoi. Et on pourrait dire, on vous expliquera l'esprit du jardin merveilleux. Ah oui. Je sais pas. Oui. Je sais pas. Ça donne une dimension supplémentaire. Oui, absolument. Hein? Une bonne idée. En un seul mot, tu élèves un peu le débat. Mais tu l'élèves pour celui qui sait lire. Oui. Bon, mais c'est toujours pareil. À qui veut-on intéresser? Le mot esprit est léger, il n'est pas trop lourd. Voilà. Puis ça peut effrayer aussi si ça devient trop lourd. Ouais. Donc c'est... Non, c'est une bonne idée, esprit, je trouve. Allez, c'est parti. Bon. Donc, du 20 au 28 2021, venez semer du neuf au Jardin Merveilleux. Apportez vos semailles et on vous expliquera l'esprit du Jardin Merveilleux. Ouais. Ou ne pas répéter Jardin Merveilleux, oui, qui est déjà dedans. Oui. L'esprit du projet. Non. Non ? Attends. Parce qu'on répète deux fois. Là. Oui. C'est pour ça que je te l'évitais dans une formulation que j'avais faite. On doit faire attention. Il y a esprit de l'action et esprit du projet. Hein. Ceci, c'est une action seulement. Parce que quand tu dis « venez ici », « venez semer du neuf ici », le « du neuf », c'est bien entre guillemets, nous sommes d'accord ? Oui. Bon. Ici, je l'avais enlevé, hein, mais on peut le remettre. Quoi, le Jardin Merveilleux ? Non, le « ici ». Non, mais parce que si tu dis « ici », c'est forcément au Jardin Merveilleux. C'est... Bon, c'est situé. Oui. Oui, on peut très bien ne pas dire Jardin Merveilleux et mettre ici, oui. Tout simplement. Le Jardin Merveilleux, en fait, il est dans la deuxième phrase. Voilà. Et il est en lettres majuscules. Comme ça, ça... Ah oui, ça frappe. Ça frappe un peu mieux. Oui. Alors, venez semer du neuf ici, apportez vos semailles et on vous expliquera l'esprit du Jardin Merveilleux. Ben oui, c'est clair. Ça va ? C'est clair. Bon, et on a le croquis. Et là-dessus, on met le petit croquis. À droite. Alors, le croquis que nous fera Roderick. Ouais, avec un semeur. Un semeur qui vient au courant et qui perd la moitié de ses graines en... Peut-être. Pour stimuler les gens, on peut mettre... Je peux en faire 4 ou 5, hein, et on va leur... Ah oui, parce que en fait, la phrase en dessous est grande et la phrase au-dessus est petite. Donc, juste après, la petite phrase qui est en haut, on peut mettre pas mal de personnages qui sont en train de semer ou de courir. Tu peux en mettre plusieurs. D'accord. Ouais. Je sais pas. Moi, je sais pas. Je pense qu'un seul bienfait qui veut bien dire ce qu'il veut dire. Parce que plusieurs, tu... Je ferai plusieurs... Ouais, fais des propositions. Ouais. Et puis, tu as compris, Roderick, c'est dans le quart d'heure qui suit, hein. C'est ce que le Philippe, il va pas nous attendre. Hein. Bon, allez. Alors, on passe au rédactionnel. Noté. Je vois que tu as commencé ton propos avec rédactionnel avec un S et un rédactionnel, oui, numéro 1. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs ? Ça veut dire qu'il y en aura d'autres parce qu'il y aura d'autres articles. C'est-à-dire, là, celui-là, en fait, ça va être le premier parce qu'on en a besoin pour mars, mais pour les autres actions, il y en aura d'autres. D'accord. Un peu comme tu disais, il y aura des postes par la suite, quoi. D'accord. Bon, alors, juste dans cette réflexion, Michaela va t'envoyer, elle a téléphoné au journal Le Télégramme pour, oui, t'obtenir l'adresse mail du télégramme. Oui. Bon, ça c'est important. Et elle va t'envoyer un autre truc. Parce que, si tu veux, là, avant de relire ce rédactionnel, il faut savoir où c'est mis, quoi, dans quel cadre, mmh, ça fonctionne. Parce que tu n'écris pas de la même façon à X et à Y, quoi. Et là, si j'ai bien compris, c'est le même texte que l'on va voir apparaître. Et ce qui me paraît intéressant, c'est de savoir dans quoi on va le faire paraître. Dans ton esprit, il y avait Ouest France. Il y avait Ouest France. Le Cap des Possibles. Le Cap des Possibles, Telegram. Et puis le premier texte de Google. et premier texte de Google. Ok. Est-ce que tu as réfléchi à une page Facebook ? Je ne suis pas sur Facebook et c'est vrai que pour l'instant, je ne suis pas trop dessus. C'est ce qui me semblait. Bon, voilà. C'est une ouverture, hein ? Oui, je sais bien. En fait, je suis sur Facebook, mais de façon complètement inconnue, c'est-à-dire juste pour voir un peu comment ça marche. Et je me suis fait tellement, alpaguer par différents trucs. En fait, tu es tout le temps sollicité pour « vous connaissez un tel, vous pouvez être ami avec un tel ». Bien sûr, c'est un réseau social, ça. Ça n'arrête pas. Alors, j'ai déjà LinkedIn qui me fait ça. Me rajouter encore Facebook. Bon, alors, ça, c'est une chose. Dans les autres idées, parce que Michaela, quand tu lui parles, elle a une idée à la minute, elle. Oui. Ah oui. Ouais, elle est comme ça, elle est très productive, à certains moments. Bon, pas à d'autres. Une autre idée qu'elle a eue et qui me paraît intéressante, c'est de faire un appel à projet. De faire un appel à projet pour en expliquant la démarche du Jardin Merveilleux et faire cet appel à projet dans différentes écoles, dans différents... cadre, j'ai pas d'idée, mais je trouve que l'idée d'un appel à projet me paraît intéressante. Et d'un appel à projet avec matériel de récupération. Sans pour ça dénaturer le Jardin Merveilleux, mais il y a des gens qui ont du talent et qui savent, avec des matériels de récupération, faire des choses très talentueuses. C'est noté. Et ça me paraît très intéressant pour solliciter une partie de la jeunesse. Il faut la ramener, la jeunesse, parce que ce projet-là, s'il ne rentre pas dans l'esprit de la jeunesse, je pense qu'on passe à côté d'une plaque. Pas toutes les plaques, mais à côté d'une plaque. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi. Moi, j'ai entendu plusieurs choses, justement, là-dessus. Bon, j'ai vu qu'il y avait des appels à projets qui naissaient ici et là, avec à chaque fois un prix, mais aussi tout un cadre, de rédaction et de présentation assez contraignant. Avec des prix qui d'ailleurs sont extrêmement variables. Là, le dernier que j'ai reçu, c'est celui de la Maïf, où tu peux gagner 1 500 €. Moi qui suis allé dans des réponses à projets européens, où on est allé chercher des trucs à 1 million d'euros, j'en suis très très très loin. Ça n'a rien à voir. Bon. Mais l'appel à projet, ce qui est intéressant, c'est le projet. Il n'y a pas de prix là-dedans. Je n'irai pas chercher des prix. Non, mais tu rentres, l'appel à projet, tu rentres dans un cadre. C'est un truc qui existe déjà. Bien sûr. Tu avais un truc, justement, il n'y a pas très longtemps, Daniel Martin, qui en fait a rejoint la sauce et le cadre du Jardin Merveilleux, elle a répondu, elle voulait répondre à un moment avec une collègue, donc elle a prouvé sur la maison alsacienne de demain. Et finalement, c'est le plus sûr moyen, en fait, je l'ai dit, c'est le plus sûr moyen de te faire piquer les idées et que c'est pas toi qui feras le projet. Voilà le problème. Et c'est exactement ce qui s'est passé par deux fois, moi, dans ma vie, à proposer des idées géniales, que je trouvais géniales, et en fait, que j'ai vu ressortir sous un autre nom, tout simplement. Est-ce que tu peux positiver ? Je suis positive. Est-ce que tu peux prendre les choses... Moi, ce qui m'importe dans mon implication du Jardin Merveilleux, c'est de donner un souffle à tout ça. Oui. Mais un vrai souffle. Un souffle spirituel, certes, et on a largement débattu là-dessus, et un souffle opératif, un souffle dans lequel, je dirais, ce jardin devienne merveilleux. C'est ça le souffle, ça c'est le merveilleux qui va ensemencer ce jardin. Oui, et pour moi, le souffle ne viendra pas des hommes. Et donc, même si on rentre là-dedans, tu vas rentrer dans des choses déjà vécues. On aura des Goldorak, on aura du Batman, on aura des trucs comme ça. C'est pas du nouveau, ce n'est que de la remise en forme de l'existant déjà. Donc, ce n'est pas merveilleux, ce genre de choses. Est-ce qu'on peut imaginer que ton ascension de jardin suspendu soit concrétisée par des réflexions de jeunes, un peu moins jeunes, mais par des réflexions d'autres qui vont apporter quelque chose et qui vont rendre cet espace-là merveilleux? Et bien sûr. Bien sûr, l'esprit vient d'un peu partout. C'est à plusieurs que, de toute façon, il a été présenté. Là où plusieurs sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Bon, voilà, les cartes étaient déjà données là, de ce côté-là. Et c'est vrai que ça me fait penser en même temps que l'appel à projet, il pourrait rentrer dans le rédactionnel. Pourrait se rajouter au rédactionnel. C'est pour ça que je t'en parle à ce moment-là. Voilà. Le problème, c'est que il faut donner très vite. Il faut avoir sur le site web, il faut avoir très vite des indications pour que les gens sachent de quoi il s'agit. Mm-hmm. Ça peut rentrer dans un deuxième poste. Ça peut se faire dans un deuxième temps, mais l'idée, c'était de créer un élan, oui, de créer une dynamique. Et l'appel à projet, sous une forme ou sous une autre, moi je ne suis pas marié ni un spécialiste des problèmes de projet, mais je pense que qu'il faut ajouter un supplément d'âme. Mmh. Et Roderick, qu'est-ce qu'il pense? Parce que là, il ne dit plus rien, lui, c'est... Écoute, je vous écoute. Ouais, et maintenant, qu'est-ce que tu penses? Non, mais je pense que, en termes général, en faisant de la communication et des activités ou des projets, ça ne peut que être du positif. Évidemment, ça demande plus de travail, mais pour l'aspect élan, je trouve que c'est très intéressant. Et dans le sens large, donc on pourrait même demander, pas faire un projet cadré en disant ce cadre-là, mais on pourrait même un petit peu sortir des cadres pour voir s'il y a des objectifs à ajouter ou à améliorer, enfin des choses comme ça. Ça va faire que ce sera un mouvement, probablement si on y arrive, qui sera plutôt partagé que par rapport à ce qu'il y a, un chef ou une direction qui organise tout strictement. Ça me parle assez de laisser faire et de laisser la créativité de jouer. C'est clair qu'il y aura peut-être des faux pas ou des routes ou des souffles sans issue. Plus qu'on ouvre, plus que ce sera peut-être difficile à gérer, mais plus qu'il y aura aussi peut-être un aspect d'élan. Par contre, si on cadre tout, ça peut très bien se faire aussi, si on gère très bien les projets et qu'on y réfléchit bien en petit comité, ça peut tout aussi bien être très inspirant. Mais en effet, beaucoup l'aspect souffle, c'est du dynamisme. Bien sûr, bien sûr. C'est ça qui me parlerait beaucoup aussi. Le côté désagréable, c'est qu'on ne maîtrise pas tout à fait ce qui va se passer. Hein. C'est pas forcément désagréable, Rodrigue. Et tel que je connais mon Philippe, il aime bien se faire dépasser dans certains cadres. Il part du principe que, il a au-dessus de lui des forces qui le dépassent. Non, je me trompe, Philippe ? Mais non, tu ne te trompes pas, oui. Et je pense qu'il faut savoir se laisser dépasser. Mais effectivement, il faut canaliser les énergies. Il y en a une auquel je pense, et je repensais là, parce que je les voyais faire annoncer des manifestations, c'est le lycée agricole de... à côté, là, comment il s'appelle ? Kerplus. Ils vont, au mois de mars, faire leur manifestation où ils vendent des plantes, des trucs et des machins. Ça vaudrait le coup que tu... Bon, je sais que tu as des appréhensions vis-à-vis de tes interlocuteurs là-bas, mais ça vaudrait peut-être le coup qu'ils viennent faire un tour, quoi. C'est... merde, on est voisins, et ils font des choses intéressantes. Il y a des gamins, il y a des jeunes qui peuvent rentrer dans des réflexions d'appel à projet aussi, je sais pas. Je pense qu'il y aurait quelque chose à faire. Ah mais c'est clair, moi aussi je l'ai vu qu'il y a des choses à faire, seulement tu n'obliges personne dans l'affaire. Le cap des possibles, ils ont utilisé plusieurs fois les élèves de Kerplus, que ce soit des BTS gestion du milieu naturel ou des troisièmes pré-professionnels là-dessus. Mais parce que en fait, Catherine Dallet, qui est dans le comité du cap des possibles, était professeure. Elle ne l'est plus. Elle est sortie, elle est en retraite. C'est pour ça que je me dis que ça va être beaucoup plus difficile pour eux maintenant qu'il n'y a personne dans la place. C'est ça le truc, quoi. À mon sens, ça serait bien qu'ils viennent faire un tour. Oui. Oui. Ils feront un tour. Maintenant, de là à s'engager, je ne sais pas. Ben, s'ils viennent, c'est là où, tu sais, avec à la pêche, là, il faut ferrer. Bon. Allez, on va reprendre le texte que tu nous as envoyé, Philippe. Oui, je l'ai sous les yeux. Alors là, on n'est plus au 27 mars. Tout à l'heure, on est allé jusqu'au 28, mais là, on ne va plus. Ah oui. Allez, on modifie, 28. Venez semer du neuf. Bon, c'est pareil. Hein, si tu viens semer du neuf, il faut le mettre entre guillemets, ton neuf. 13 rue 9, Saint-Goustan, Or. Alors, pourquoi tu dis « jardin merveilleux est la mise en création » ? Le jardin merveilleux, non ? Oui. La mise en création d'une autre façon de vivre à contre-courant de la société de loisirs, de production, de consommation et d'exploitation actuelle. Ça, c'est très bien. Cette phrase-là, elle est ultra importante et c'est celle qui prépare à la suite. Ce monde, ouais, ça c'est bien. Et ce monde se verra, moi j'aurais plutôt dit se traduira à travers un jardin, plutôt que se verra. Oui. Hein, se traduira par un jardin merveilleux, à nul autre pareil. Mais attention quand tu dis à nul autre pareil. Tu peux avoir des retours de flamme. Tout à fait, sauf que j'explique ce qu'il y a derrière. Donc, on parle de merveilleux, c'est d'émerveillement. Donc, il fallait expliquer. Sans ça, d'accord. N'importe qui peut le faire. D'accord. Alors, t'es toujours pareil, et là, je partage pas, moi, cette approche. L'émerveillement ne sera pas dû à un déballage de techniques ou d'effets artistiques faciles, etc. Ça, c'est négatif. Dans le peu de mots qu'on peut Moi, je mettrais du positif. Mais ça, c'est ma façon de voir, si tu veux. Et rappelle-toi, Philippe, on a souvent été opposés dans ces, dans ces approches-là. Moi, je pense que l'émerveillement, eh bien, on laisse de côté les déballages techniques, artistiques, etc., faciles à contrefaire, etc. Moi, je supprimerais ça. Mais c'est ma nature d'être optimiste, d'être constructif. Je sais pas, qu'est-ce qu'il en pense, Rodrigue ? Parce que je suis tout seul à parler, là. Je me mets en phase de... Je pense que c'est bien d'être positif. C'est ce côté rêve qui... Tout ce qui peut contribuer à cela est accueillant et positif. Donc, je pense que je suis assez sur cette ligne aussi. Est-ce que, juste une question, est-ce que vous voyez le texte à l'écran ou pas ? Moi, je l'ai sous les yeux. Oui. Moi, je l'ai sous les yeux. Ah, d'accord. Bon, j'ai ouvert Skype et j'ai ouvert également ma boîte de messagerie où je vois le texte. Et puis, okay. Je te vois toi aussi, hein, Rodrigue, qui te prend la tête. Je le vois, mais ça ne me fait rien, Mais en effet, en restant positif, ou disons, ce souffle, cet élan ne peut que être positif, à mon avis. Mais en effet, il y a le souci de cadrer un petit peu. Mais peut-être qu'il faut le faire avec d'autres mots, je ne sais pas. Moi, je ne veux pas qu'il y ait d'erreur, de misfit là-dessus, d'une mauvaise compréhension dès le départ. Si en fait, on demande des jardiniers ou des paysagistes, c'est déjà connu. Et moi, ça ne m'émerveille plus, ce genre de choses. Oui. J'ai vu beaucoup de choses. Il suffit d'aller voir les jardins à Versailles. Je suis allé aussi en Espagne et tout ça. Il y a des choses qui sont très, très belles. Il ne s'agit pas de faire ça. Ça, c'est un déballage de moyens. Ce n'est pas un déballage d'émerveillement. Donc, ça met tout de suite les choses. Ce n'est pas, on pourrait mettre des panneaux solaires qui pourraient mettre ci, ça, ça, ça. Ça, c'est de la technique. Je m'en fous de ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus rentrer dans ce débat. Sans ça, j'aurais tout de suite la subvention de Suez, ou de dire, on peut investir chez vous, parce que tous ces moyens, on les a. Et voilà. Le tout est de mettre notre nom sur votre projet, puis voilà. Oui. Et là, moi, je suis plus là-dedans. Je suis plus là-dedans. Non, je te comprends. C'est bien d'être précis, quand même. Précis et enthousiaste, quand même. Bon, alors, imaginons qu'on laisse ça. Moi, je veux bien, même si... Et c'est-à-dire qu'on peut l'enlever, mais il faut une proposition... qui permettent de dire non, ce n'est pas... Ou alors, c'est de l'illusion, quoi. C'est-à-dire, on va encore faire une phrase où on donne une illusion de quelque chose qui semble avoir déjà été ailleurs. Oui. Alors, tu le dis, alors, mais un petit peu différemment. Parce que quand tu associes l'émerveillement n'y sera pas dû à un déballage, etc., tu fais cette association. Alors moi je dirais plutôt adieu les déballages techniques ou effets artistiques faciles. Hein, tu vois ce que je veux dire? Tu es radical dans ton truc, bon, en peu de mots, tu dis adieu aux déballages techniques et effets artistiques. Mais l'appel à créer. Alors, adieu, etc. Venez créer sur le jardin après vous y être ressourcé ou quelque chose comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Et par contre, il y a un truc qui m'a choqué, c'est la plus belle part de l'homme, la plus divine. Alors déjà, la phrase... Bon, comment dirais-je, elle est pas cohérente dans le texte tel que je le lis. La plus belle part de l'homme, la plus divine, moi j'éviterai le divin. Mais hein, pour pas faire peur, c'est toujours pareil. Si tu veux, t'as peu de mots, tu peux pas t'expliquer, venez, effectivement, on vous expliquera. Mais la plus belle part de l'homme, c'est bien. La plus belle part de l'homme, c'est bien. Et de facto, c'est le divin qui ressort, mais faut pas le dire, quoi. À mon sens, hein. C'est un mot un peu lourd, hein, c'est vrai. Mais il y a très peu de mots qui restent pour donner cette ouverture. C'est ça qui est difficile. Ou alors tu peux reprendre la plus belle part de la spiritualité de l'homme. Tu introduis introduis l'esprit. Tu donnes à l'homme sa fonction spirituelle. Et là aussi, ça fait peur, puisque ils sont très terre à terre et qui sont. Oui, moi, qui est difficile, hein, c'est de trouver le juste mot. Peut-être que le mot dimension est un peu flou. Mais ça montre aussi que ce n'est pas le côté terre qui prime, mais qu'il y a autre chose que la terre et ça. Oui, tu dirais que la plus belle dimension de l'homme. Pas idéal non plus. Moi, je parle de c'est par rapport au créé. Hein. Oui. C'est le premier, c'est la première. C'est la première phrase de la Genèse. Au commencement, Dieu créa. Et comme il nous a fait à son image, c'est la plus belle part. Je dois encore y réfléchir. Et est-ce qu'on peut déjà, avant, être d'accord sur à Dieu le déballage technique, les effets, etc., quoi ? Est-ce qu'on peut déjà dire ça, Philippe ? Oui, moi ça me convient. Hein. Adieu au déballage technique. Oui. Effet artistique. Facile à contrefaire, voilà. Peut-être ajouter facile à contrefaire. D'accord. Mais on laisse de côté dès qu'on en a les moyens. Oui. Et d'un autre côté, il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans un rédactionnel grand public, quoi. Et qu'on veut ramener du monde. Et si on veut ramener du monde, il ne faut pas lui faire peur. Oui. Donc, si on dit adieu au déballage, il faut dire bonjour à l'appel. Par exemple. Oui, attends, ça me paraît bien. Ça, c'est sympa parce que c'est cohérent. Adieu au déballage. Bonjour. Je vois adieu au déballage de techniques et d'effets artistiques, facile à contrefaire, et bonjour à l'appel à créer que chacun y trouvera après s'y être ressourcé. Ouais. Mais là, il faut peut-être reparler du jardin, parce que s'être ressourcé où, etc. Faut faire une liaison avec le jardin. Bah, et c'est la phrase juste d'avant. Oui, c'est la phrase juste d'avant. Bon. Par contre, la plus belle part de l'homme, la plus divine... Non. Moi, j'aurais mis. Je peux enlever le divin, mais je peux mettre, par exemple, créer de point la plus belle part de l'homme. Ouais, ça me va bien. Ça me va bien. Alors, la vie commence par la semence dans une terre prête à l'accueillir et la faire germer. La vie commence par la semaine, par la semence dans une terre prête à l'accueillir et à la faire germer. Alors, avant de dire ça, je dirais venez semer. Parce que là, tu parles de la semence, mais tu n'as pas dit qu'ils viennent. Donc, je répète ce qu'on a mis là-haut. Venez semer, ouais. La vie commence par la semence, dans une terre prête à l'accueillir et la faire germer. Alors, après, une particularité pour 2020, la création de vrais jardins suspendus. Ça, c'est pareil. Moi, je n'accroche pas là-dessus. Parce qu'il n'y a que toi qui sais pourquoi on parle de jardins suspendus. Pas que toi, mais bon. Et ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe. Voilà. Il fait marcher l'imprimante. C'est l'aspirateur. Non, c'est l'imprimante de Roderick. Ah oui, il est en train de tirer sans doute le texte pour l'avoir sous les yeux. Ah, d'accord. Eh bien, son imprimante, elle est dans un aquarium. Voilà, excusez-moi. T'as tiré ton texte, c'est ça ? Les clients urgents, et puis c'est réglé, et puis j'ai imprimé le texte pour l'avoir à côté de moi. D'accord. Oui, entre deux PC. Et est-ce que je peux juste vous proposer une toute petite coupure ? Ouais, vas-y. Le jardin merveilleux de Philippe, ça peut être ça. Ah, on ne voit pas bien. Parce que vous voyez, il y a un petit garçon qui se promène. Oui. Avec au-dessus de sa tête un petit nuage. Ouais. Ce petit nuage, c'est ça ce qu'on veut, en fait, qu'on crée pour les gens avec le jardin merveilleux. Ce petit nuage qui rêve, qui va vers une autre dimension, un autre monde, une spiritualité, j'en sais rien. Oui. Et ce que j'aime tellement avec, comme ça, les dessins, parfois, c'est que en faisant, dans ce cas-ci, c'est très symbolique, c'est presque plus facile à symboliser de cette façon que d'utiliser tout genre de mots pour définir et qui va convenir à l'un et pas à l'autre, et comme ça. Mais bon, je vais essayer de réfléchir s'il n'y a pas quelque chose à faire de ce côté-là. Pardon, excusez-moi, je vous ai coupé. C'est pas grave. Philippe, est-ce que tu peux, puisque maintenant Roderick a le texte, oui. Faire un résumé de ce qu'on s'est dit, ben, faire un résumé, ce qu'on je s'est relis. Dit, quoi. Hein? Je vais relire en fait ce que j'ai modifié. Exactement, dessus. Voilà, ça c'est bien. Alors, du 20 au 28 mars, déjà, voler, semer. Alors, je ne sais pas si ça sera du 28 ou du 27, je vais voir avec Sylvie. Bon. Peut-être qu'elle trouvera 8 jours un peu longs pour elle, parce qu'elle ne peut pas venir, elle bosse. D'accord. Voilà. Bon. Alors, venez semer du neuf, entre guillemets, au Jardin Merveilleux, 13 rue Neuve, Saint-Goustan, à Auray. Le Jardin Merveilleux est la mise en création d'une autre façon de vivre, à contre-courant de la société de loisirs, de production, consommation et d'exploitation actuelle. Et ce nouveau mode se traduira à travers un jardin à nul autre pareil. Adieu au déballage de techniques et d'effets artistiques, faciles à contrefaire, et bonjour à l'appel à créer que chacun y trouvera après s'y être ressourcé. Créer la plus belle part de l'homme. Venez semer. La vie commence par la semence dans une terre prête à la cueillir et la faire germer. Voilà où on en est actuellement. Alors, excellent, excellent. Alors, attends, il y a un truc qui ne me va pas, moi. C'est quand tu as lu, il y a hiatus quelque part. Alors, adieu. Tu peux reprendre, adieu, vas-y. Adieu au déballage de techniques et d'effets artistiques. Oui. Facile à contrefaire. Oui. Et bonjour à l'appel à créer que chacun y trouvera, après s'y être ressourcé. Moi, ça me fait penser au petit nuage qui est au-dessus de la tête du gamin, là. Mm-hmm. Je viens de nous montrer. Appel à créer, c'est-à-dire il faut faire germer ce qui est aussi dans l'esprit. Oui, très important. C'est pas tellement bonjour à ce qu'on va faire, mais c'est l'aspiration, le souffle justement, ouais. le vent que l'on va créer, que l'on va susciter à l'intérieur de chacun. Tu peux même te rapprocher, puisque tu aimes bien les images de la Bible, où Dieu vient ensemencer les hommes par ses flammes qu'il met sur la tête de ses apôtres. Hein, c'est un peu oui, ça oui. que tu fais, quoi. Hein, c'est ça ? Mais oui, c'est ça. Bon. Et on va pas citer ça. Hein. Non. Non, mais ça... Moi, si tu veux, j'anticipe déjà la relation qu'on peut avoir avec quelqu'un qui va se pointer. Oui. Et qui va dire, dites-moi plus, quoi. C'est ça. Voilà. Parce que c'est ça l'objectif. On veut provoquer quelque chose. Ce qu'on est en train de faire, là, c'est de réduire en un texte relativement court quelque chose qui est quand même assez complexe pour nous. Bien sûr. On a beaucoup discuté. Donc, le fond existe déjà. Ce n'est pas quelque chose dont on ne sait rien. C'est déjà quelque chose dont on a discuté. Mais il faut que ça parle aux autres. Il faut que le texte attire et il faut que ce que l'on dit sur place parle. Voilà, tout à fait. Et à la rigueur, même, tu vois, si moi, bon, j'y serais, mais même si toi, tu y étais, dans la mesure où on a beaucoup échangé, tu pourrais en parler. Ah, mais en te disant en te disant ce propos il y a 30 secondes, je me mettais dans cette perspective-là. Voilà, quelqu'un qui arrive, comment on le joue ? Bon, alors, on avance là, c'est bien. Alors, la vie commence par la semence. Dans une terre prête à l'accueillir et à la faire germer. Alors, moi, je serais un petit peu plus dynamique en disant venez ensemencer la terre, venez ensemencer une terre qui est prête à vous accueillir et que vous pouvez faire germer. Tu vois ce que je veux dire ? J'inverse la proposition. Je mets celui qui vient en perspective d'agir. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. C'est un appel. Qu'est-ce que tu dis, Roderick ? C'est un appel que tu veux... Ouais. C'est un appel, oui, voilà. Eh bien, ça, c'est bien. On fait un appel. C'est un appel, tout à fait. Y a autre chose. On va revenir sur la notion d'appel, parce que ça me plaît bien. Je suis à gérer l'annonce Google. Quel est le titre de ton annonce Google, Philippe ? J'ai pas de titre. Pour l'instant. Bah, tu vas bien dire un jardin merveilleux à Auray, à Saint-Goustan. Oui. Hein, oui. À mon sens, dans ton titre, c'est un jardin merveilleux à Saint-Goustan, Auray, que vous Auray, Saint-Goustan, etc. Mmh. Hein, et il faut qu'il y ait les deux, Auray et Saint-Goustan, et oui. Le jardin merveilleux. Voilà. Alors maintenant, l'appel. C'est bien ça, un appel ? Oui, dans la première phrase, il y a déjà l'appel, n'est-ce pas ? Mais c'est toujours bien de répéter. Tout à fait. Venez semer, c'est un appel. Tout à fait. Venez semer, on l'a déjà. Hein. On l'a non, mais c'est un appel. C'est le premier appel. Voilà. On l'a déjà tout en haut et on vient de le rappeler, là. Juste après la plus belle part de l'homme. Venez semer. C'est la suite. Maintenant. Donc l'appel, il est déjà dans le venez semer. On vient de répéter. Venez semer. Parce que si tu dis « venez semer », la vie commence par la semence dans une terre prête à l'accueillir et à la faire germer. C'est ça ? C'est comme ça que t'enchaînes ? Alors, je vais mettre « une terre est prête à vous accueillir ». Ça peut être un truc comme ça, hein ? Ouais. Oui, ça va droit au but, hein. C'est beaucoup plus dynamique. Venez semer dans une terre prête à accueillir et à faire germer la semence. Venez semer un peu plus loin, de nouveau, venez semer. Oui. Mais c'est très, je trouve que c'est très efficace de répéter venez. Oui, tout venez. À fait. Tout à fait. Bon, alors, après, une particularité pour 2021, la création de vrais jardins suspendus au pluriel. Ça, t'en dis trop ou pas assez, pour moi. Je peux mettre derrière, en fait, je peux mettre ça, regrouper ça derrière dans venez semer, une terre est prête à vous accueillir et faire germer. Certains massifs seront suspendus. Un truc comme ça. Tu peux nous en dire un peu plus là, parce que des massifs suspendus d'ici fin mars. Ils sont déjà en place. C'est tout. C'est, en fait, j'ai déjà placé des choses qui sont quasiment au-dessus des voitures, qui tiennent en fait avec des à la façon de la permaculture, sauf qu'ils sont sur une pente. C'est tout. Donc en fait, là-dedans, on peut mettre des graines. Et moi, l'objectif déjà, c'était d'en mettre et de voir comment en fait elles vont se comporter. Est-ce qu'elles vont chercher la bonne terre qui est juste en dessous? Est-ce qu'elles vont s'accrocher ou bien est-ce que ça ne va pas marcher du tout? Voilà. Mais ça, tu ne peux pas y emmener ton public. À ces endroits-là, non. D'accord. Donc c'est des choses à expliquer. Oui. Sur place, parce que sinon, c'est un peu compliqué à comprendre. Et est-ce qu'il faut le dire? Ou est-ce que c'est simplement une démarche que tu peux avoir sur place en expliquant à qui... ouais, parce que tout dépend des publics que tu vas avoir. Tu vas te retrouver, avec des gens qui vont arriver avec leur semaille, etc., et qui viennent semer. Bon. Et puis tu vas avoir ceux qui vont aller chercher ce que certains appellent la vérité derrière le symbole. C'est-à-dire que bon bah ils vont avoir décodé le venez semer et ils viennent semer, mais ils viennent également récolter. Allô, allô. Et donc. Moi, je pense que quand on dit suspendu. On doit peut-être l'expliquer, ou alors pas le dire. C'est mon sentiment. On en dit trop ou pas assez. Je suis d'accord. Avec quelques mots de plus, hein, mais disons deux. Évidemment, c'est clair pour toi, Philippe, mais même pour moi, c'est pas très clair. Mais non, mais pour moi non plus, c'était pas très clair. C'est pour ça que j'ai posé la question. Et alors, imaginons le quidam qui va lire ça, quoi. Il va se poser la question. L'objectif, c'était justement de se poser la question, pour venir. Moi, ça ne me fait pas venir, hein, ça. Oui, ça, je l'avais compris. Les jardins suspendus, ça te fait peur. Bon. Surtout ce type de suspension, oui, tout à fait. Ça, c'est bien certain. Mais bon, voilà, c'est mon sentiment. Mais si tu veux tirer derrière toi du monde, il vaut mieux avoir une démarche qui soit la plus transparente et la plus compréhensible possible. Ne pas partir du fait que nos congénères sont aussi réceptifs à ce genre de démarche comme ça, surtout dans une annonce presse, quoi. Donc on supprime la phrase « La création de vrais jardins suspendus ». Moi, ça me gênerait pas, hein. Mais je sais que ça peut être un déchirement pour toi, Philippe. Non, parce que je le ferai quand même. Je ne le mettrai pas dans le texte, c'est tout. Ah, mais que tu le fasses, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est une surprise pour ceux qui viennent. Voilà, tout à fait. C'est quand même très spécifique. Et alors la suite. Après la première année consacrée à la Terre, la deuxième part, en 2022... sera orienté sur l'eau. Bon. C'est pour annoncer. Ouais. Ben ça, pour moi, c'est un peu comme le jardin suspendu. Pardonne-moi, je deviens un peu radical en fin de texte. Mais ça ne veut rien dire pour celui qui ne connaît pas. À moins que tu le joues différemment... et que tu parles de la terre, de l'air, de l'eau et du feu. Là, tu auras peut-être un peu plus de répondants de la part de certains qui pourraient avoir quelques réflexions un petit peu plus élaborées. Mais peut-être que je vais trop vite. Oui, si on met tout, le symbolique, bon, pour tous ceux qui ont vu le cinquième élément au cinéma, ils verront tout de suite le lien. Bon. Ah bon, quel est le lien? Parce que moi, je ne le connais pas. Bah, c'est ça, bah, t'as les quatre et le cinquième étant l'amour. L'eau, la terre, le feu, l'air, et enfin le cinquième élément qui manquait pour sauver la terre, l'amour. Voilà. Ah, d'accord. D'accord, j'aurais pas vu ça comme ça, mais d'accord, si tu le dis. Ouais. Bon. Bah, c'est comme ça qu'il est présenté. Ouais, d'accord. Personnellement, j'ai l'impression qu'on doit en faire un succès la première fois, et ça va bien définir... la deuxième partie en 2022, on peut l'annoncer, mais s'il n'y a personne qui vient ou si ça ne marche pas, c'est un petit peu un risque d'annoncer déjà, schématiser ce qui va se passer l'année prochaine. J'aime bien un message très fort. Venez semer telle adresse, tel jour, avec quelques phrases explicatives. Et les schémas et les agendas pour le futur, ça affaiblit un tout petit peu le message fort « Venez semer », je trouve. Oui. C'est mon impression, mais bon. D'accord. Par contre, quand tu termines, vous trouverez sur place beaucoup de réponses à vos questions. Ça, c'est dynamique, ça, c'est bien. Ouais. Je ne sais pas si je le dirais comme ça, mais le sens me va bien. Donc, oui. Vas-y. Qu'est-ce qu'on va prétendre ici? Donner beaucoup de réponses. Qui sommes-nous? Aïe, aïe, aïe. Mais bon... C'est pour ça que je n'ai pas mis toutes les réponses à vos questions. Non. Mais bien sûr, ça c'est normal. Il faut rester dans le politiquement correct. Mais c'est la première fois que les gens qui lisent ça savent qu'ils vont recevoir quelque chose en retour. Ils doivent d'abord venir, ils doivent semer, ils doivent chercher des graines, je ne sais pas quoi. Et là, on donne quelque chose en retour. Je trouve que c'est... Ça, c'est bien. C'est bien, c'est, ça fait plaisir. Et puis c'est fort comme message. Oui. Faudra pas faire de déçus, hein. Oui. Oui. Il y en aura toujours. Celui qui vient pour avec ses semailles de pommes de terre en disant comme ça je vais récolter plus tard, bah, je peux rien lui promettre, hein. C'est-à-dire qu'il y en a qui viendront avec des engagements. Ouais. Moi, je veux bien semer, mais à condition que je puisse récolter derrière. Bon. Et quand les gens sont très terre-à-terre, c'est ben, pourquoi pas, mais à condition que tu viennes entretenir aussi le jardin. Et pourquoi pas. Là, on aurait une réponse. Pas. Et pourquoi pas. Ben oui. Parce que cueillir dans les arbres, ça, tout le monde sait faire. Hein. Venir chercher à manger à droite ou à gauche, quand tout est prêt, ça marche. Ça, ça marche, oui. Voilà. Ouais. C'est justement ce que le cap des possibles, ce à quoi il s'est heurté là-dessus. C'est qu'en fait, c'est eux qui ont fait tout l'entretien. Et après ça, les gens étaient là pour récupérer les tomates. Ça, oui. Mais par contre, pour entretenir, rien du tout. Oui. Oui. Souvent comme ça. C'est ça. Eh oui. Mais Donc on a dans le... Si je relis le deuxième, à partir du deuxième, venez semer, c'est venez semer, une terre est prête à vous accueillir et faire germer. Vous trouverez sur place beaucoup de réponses à vos questions. Alors le faire germer, c'est ça ouvre à d'autres dimensions. Complètement. Accueillir, ça ouvre à d'autres dimensions. Voilà. Donc finalement, on a quand même une... on reste dans une vision symbolique et spirituelle, à peu près tout le long du texte. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Et celui qui veut lire entre les lignes peut lire entre les lignes. Oui. Oui. Ah. C'est ça qui est bien. Ouais, ça, c'est bien. Maintenant, regarde... Parce que vous trouverez sur place beaucoup de réponses à vos questions. Après, je mettrai « Nous vous attendons ». Ah oui, encore une fois, venez. Voilà, et nous vous attendons. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Philippe ? Oui, tout à fait. Ça me va. Mais il faut signer ça. Si tu dis nous vous attendons, faut signer. Alors tu peux signer comme tu l'as fait là avec le projet collaboratif. Qu'est-ce qui vaut mieux, mettre des prénoms? Comme ça, on ne sait pas exactement qui c'est, mais ceux qui sont dedans, ils se reconnaissent. Ouais, si tu veux. Ouais, si tu veux. Ça fait lourd. Parce que ça va te forcer à mettre plein de prénoms. Ça fait lourd. Nous vous attendons, et puis tu peux signer le jardin merveilleux. Je sais pas. Ou l'équipe du Jardin Merveilleux. Ouais, ouais, c'est pas mal ça. Ouais, c'est dynamique l'équipe. Qu'est-ce que t'en penses, Roderick ? J'aime bien cette photo de Philippe qui joue là au violoncelle. Et on vit dans un monde très anonyme, mais peut-être que je suis pas classique, hein, mais j'aime bien voir le nom de Philippe. Et puis peut-être on peut y ajouter et l'équipe de etc. Mais ça c'est ou Philippe et son équipe vous attendent. Ouais, c'est pas mal ça. Ça fait un peu restauration. Ah là là. Mais c'est dynamique. Philippe et son équipe. Puis ça marche bien. Il y a plein de i. Oui. Pas et Triestfal, tout simplement, puisque ça, c'est plus transparent, n'est-ce pas? Puisque autrement, on va se dire, mais où est-ce qu'on va? Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il en pense, Westphal? Je ne sais pas si un texte qui est donné partout comme ça, qu'est-ce que ça peut susciter quand tu mets ton nom quelque part? C'est pour ça que moi je mettrais simplement le prénom. Philippe et son équipe. À partir du moment où il y a là sur place, il y a déjà une affiche avec mon numéro de téléphone, donc ceux qui veulent m'appeler, ils sauront très vite que je m'appelle Philippe Westphal. C'est pour éviter de donner un nom en pâture à toutes les, les absurdités informatiques et réseaux. Je suis d'accord avec ça, mais là, je vois que tu ne donnes pas ton numéro de téléphone. Non, faut-il que je le donne? Question, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, Roderick? Moi, j'aime bien le nom complet de Philippe, avec son nom de famille, mais puisque c'est... Mais moi, je vis dans un monde financier où, quand on ne voit pas quelqu'un qui signe, ou quand on ne voit pas de nom, en tout cas pour moi, ça va directement à la poubelle. Mais ce n'est pas représentatif pour le monde dans lequel nous vivons. Mais j'aime beaucoup la transparence, mais ça fait un peu classique. Moi, ça me gêne. Je pourrais très bien mettre Philippe Westphal et son équipe. Ça me dérange moins, mais si je mets Philippe Westphal et son équipe et mon numéro de téléphone, alors là, je ne sais pas du tout quel type d'appel je vais recevoir sur mon téléphone. Non, au pire des moments, tu auras des appels, et tu ne sauras pas à qui tu as affaire. Je ne mettrai peut-être pas son numéro de téléphone. Non, mais la mail... On peut mettre une adresse mail. Oui. Là, je peux mettre l'adresse d'Aria, en tout cas, pour ne pas être dérangé au niveau perso non plus. Et de toute façon, je la reçois aussi sur mon téléphone. Je peux mettre juste après, là. Accompagné par l'association ARIA, reconnue officiellement d'intérêt général, aria2e2d@gmail.com. Ouais. Là. Comme ça l'aide, c'est sur place. Je méfie les numéros de téléphone parce que quand on est gêné tout le temps, ça oblige à changer de numéro. Tu as complètement raison. Absolument, oui. Est-ce que tu as mis Philippe et son équipe ou tu mets... Non, j'ai mis Philippe Westphal et son équipe. De toute façon, Philippe Westphal, ça fait déjà 3 articles qui sont parus en mon nom, avec mon nom dessus, dans Ouest France. Donc, ça y est, c'est parti, quoi. D'accord. Ah oui, puis Internet, bien sûr. Oui. Et c'est aussi le nom qu'ils peuvent retrouver, en tout cas, sur le site d'Aria, puisque... Il y a tous les comptes rendus et tout ça. Par contre, je ne crois pas que j'ai mis Philippe Westphal sur le site du Jardin Merveilleux. Il me semble que j'ai préféré mettre que les prénoms. Je suis quand même très méfiant. C'est pour ça un peu que... Tu as raison. C'est pour ça que je n'ai pas d'adresse non plus sur Facebook. On est tout le temps sollicité, c'est pénible. Oui, mais Facebook, tout dépend comment tu le manœuvres. C'est comme tout. J'ai tapé Philippe Westphal sur, pas sur Google, parce que je ne suis pas sur Google, mais sur mon moteur de recherche. Il y a 24 000 commentaires. Ah, mais j'ai même Philippe Westphal sur Facebook, tu vois, ça arrive vite. Hein. Ah bon? Ouais. C'est pas le même, hein. Là, le Philippe, il a rajeuni. Et il étudie à l'université de Göttingen. Bon, donc il y en a un autre alors. Oui, mais là, c'est un Philippe Westphal avec une casquette. Un Philippe Westphal d'une vingtaine d'années, quoi. Oui, ben ça va. La succession est assurée, c'est bon. Ouais, ouais. Bon. Eh ben, on a bien avancé. On a bien avancé. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire ? Oui. J'aime tellement cette photo. C'est magnifique. Ah, et encore, il en a une avec son canotier. Là, il n'a pas mis le canotier. Il pourrait le mettre. Non. Mais en fait, tu m'avais demandé de choisir la photo où il y a des gens. Oui, c'est vrai. L'autre, j'ai le canotier, mais il n'y a personne à côté de moi. Non, mais c'est bien quand il y a des gens comme ça. C'est bien, c'est sympa. Oui. C'est sympa, c'est sympa. Et comme cette photo, elle est déjà parue dans West France, en fait, ça ne gênera pas les personnes qui sont là de reparaître encore une fois. Ouais, mais elles sont soit de dos, soit de trois quarts. Bon, c'est pas... Ouais. C'est pas méchant. Oh, elle est formidable, cette photo. Magnifique couleur aussi. Ouais, c'est bien fait. Nous sommes d'accord. C'est bien. Et juste Catherine, c'est elle qui a pris la photo, alors... Et juste elle qui peut dire, oui, mais non, tu te sers de mes photos pour... Bon. Ouais, mais ça, tu règles ça en famille. Hein. En bon père de famille. Bon. Bon, mais le texte est bon, il est excellent à mon avis. Tu peux nous le relire une dernière fois, Philippe, en entier. Alors, du 20 au 28 mars, venez semer du neuf au Jardin Merveilleux. 13 rue Neuve, Saint-Goustan à Auray. Le Jardin Merveilleux est la mise en création d'une autre façon de vivre, à contre-courant de la société de loisirs, de production, consommation et d'exploitation actuelle. Et ce nouveau mode se traduira à travers un jardin à nul autre pareil. Adieu au déballage de techniques et d'effets artistiques, faciles à contrefaire, et bonjour à l'appel à créer que chacun y trouvera, après s'y être ressourcé. Créer la plus belle part de l'homme. Venez semer, une terre est prête à vous accueillir et faire germer. Vous trouverez sur place beaucoup de réponses à vos questions. Nous vous attendons, Philippe Besfal et son équipe. Bon, ça c'est bien, c'est concis. Alors, il y a un truc auquel j'ai pensé. Et maintenant, c'est temps de s'en occuper. Les mots directeurs, monsieur Philippe Besfal, les mots directeurs. Pour les faire ressortir, ces mots directeurs, alors qu'est-ce qu'on appelle un mot directeur ? C'est les mots à travers lesquels Google va... les mots que Google va retenir dans toutes les interrogations qui seront faites sur la page Google. Donc, pour qu'ils les retiennent bien, il faudrait les mettre en caractère gras. Oui. Alors, moi, je serais d'avis, au moins en ce qui concerne l'annonce, l'annonce que tu vas faire sur Google Business. Oui. Tu as accès à ce texte-là que tu as là ? C'est-à-dire ? Est-ce que tu peux noter là où je vais te dire les mettre caractère gras ? Je l'ai sous les yeux. Bon, alors, du 20 au 27 mars, non. Jardin merveilleux, oui. Attends, on dit du 20 au 27 mars, mais on ne dit pas l'année. C'est une question. Oui, ce serait peut-être mieux. Allez, 2021. Bon. Voilà. Alors, Saint-Goustan, je continue à lire. Saint-Goustan aurait toujours un caractère gras. Jardin merveilleux et la mise en création d'une autre façon de vivre en caractère gras. Une autre façon de vivre. Ça va, Philippe ? Et oui, je note au fur et à mesure. Hein, une autre façon de vivre. Production, consommation, on n'en veut pas. Émerveillement. Alors. Tu le vois, l'émerveillement. On l'a. Oh, elle l'a peut-être plus. Parce que comme c'est pas ton nouveau texte, on l'a peut-être plus. Non, on l'a plus. D'accord. Qu'est-ce qu'on a mis à la place? Adieu. Adieu, adieu. Ouais, ouais, c'est adieu. Adieu au déballage. D'accord, d'accord. Ah, la plus belle part de l'homme. On a bien dit la plus belle part de l'homme. Oui, il y avait une suggestion de Rodrigue de mettre la plus belle dimension. Oui, d'accord, mais on a écrit la plus belle part de l'homme. Non, je cherche à savoir si pour Google ça a un sens, mais on ne le questionnera pas sur la plus belle part de l'homme. Non. La vie commence par la semence. Ah, semence, voilà. Hein, y a totalement non, semence. Tu es encore tu es sur l'ancien texte, là. Ben, j'ai pas le nouveau. Eh, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que semence, on l'a, semence? Non. On l'a pas. On a « Venez semer, une terre est prête à vous accueillir et faire germer. » Moi, je mettrai en caractère gras « semer » et « germer ». Alors, « semer ». Et « germer, germer », ces deux, oui. Ces deux verbes-là. Voilà. L'idée, tu l'as compris, Philippe, c'est que lorsque quelqu'un va taper sur Google l'un de ces mots en caractère gras, il y a des chances qu'il arrive au Jardin Merveilleux, qui sera sur Aria ou sur le site de sur Google Site, hein, et la boucle se boucle. Et de même qu'on pourra les retrouver sur les textes du Télégramme, le texte de Ouest France. Tu as prévenu la fille de Ouest France qu'elle va recevoir un rédactionnel? Oui. Hein? Mais là, le mail que je vous ai envoyé, je l'ai envoyé en copie à elle, justement, pour qu'elle puisse réagir aussi. D'accord. Donc, il y en a qui vont réagir, je vais laisser 24-48 heures, puis après ça, je prendrai la décision. La décision de quoi? Bah d'envoyer. Ah bah tu vas envoyer, hein, pas de souci, il n'y a pas de problème. je suis à regarder le mail que tu nous as envoyé, tu nous parles d'un dénommé Alban Guillou. Qui c'est, oui. Alban Guillou? C'est un nouveau qui, ça fait déjà plusieurs fois qu'il voit dans Ouest France et qui m'a téléphoné. Ah. Il m'a dit, moi je suis partant pour ça, l'idée me séduit et j'aimerais aussi y participer de façon physique, c'est-à-dire de venir, ce qui devrait faire plaisir à Stéphane parce qu'il nous trouve un peu seuls. Ça, je pense qu'il a raison. Et ce Alban Guillou, qu'est-ce qu'il fait de beau dans la vie? Il est vidéaste. Il fait des vidéos. Ça, c'est bien. Ça, c'est, ça bien. C'est très utile. Ouais. Ça, c'est très, très bien. Il est vidéaste. Alors, une chose qui sera bien, toujours sur Google et toujours sur cette annonce, ce sera de mettre... ce gars, il faut qu'il vienne au mois de mars, hein, et qu'il fasse une jolie vidéo, un beau petit montage, et on mettra ça en lien, cette vidéo, on la mettra sur l'annonce Google, ou à côté, parce que tu peux mettre plein de trucs. On pourra mettre également un podcast, on peut faire un podcast exprès pour expliquer le Jardin Merveilleux, ça aussi c'est bien, ouais, voilà un truc qu'on pourrait prévoir. Et voilà. Oui, c'est en train de s'étoffer, tout ça. Ouais. Et puis la boucle se boucle. Et on est cohérent. Et puis ça nous évite aussi de chaque fois expliquer, de recommencer à zéro. S'il y a un podcast clair, ouais. Ça va aider. Tout à fait. J'ai encore une question. Est-ce que on ne devrait pas mettre une entête, puisque rédactionnel, ce n'est pas une entête. Ah ben, c'est ce que je demandais à Philippe. Oui, vas-y. Qu'est-ce que tu as prévu, Philippe ? En entête, pour l'instant, je n'ai rien prévu, mais tu m'avais dit un jardin merveilleux à Saint-Goustan aurait. Ouais. Bon. Ça, c'est pour l'annonce Google. Cette annonce Google, c'est quelque chose qui va rester, quoi. Après, faudra virer les dates, etc. Mais le thème va rester. Par contre, dans le cadre d'un rédactionnel, moi, je mettrai en entête du 20 au 27 mars, venez semer du neuf au Jardin Merveilleux. Oui, ça, c'est ce que je voulais mettre c'est... notamment chez au cadre des machins. Là. Mais par parce contre... que ça grippe tout de suite sur une action. Mais il faut faire la même chose à Ouest France et au Télégramme. Oui. Encore un petit point. Je regrette que le mot « émerveillement » a disparu. Ah. Est-ce qu'on peut pas l'intégrer quelque part ? Parce que c'est un mot tellement magnifique, je trouve. Ou alors « venez vous émerveiller ». Ah, mais là, il y aura des attentes. Hein. Ouh là là. Oui, c'est un peu tôt. Peut-être... Enfin, peut-être que c'est pas important de mettre... Non, mais attends. Moi, je me suis, au moment où... Parce que c'est moi qui ai dit, c'est adieu au déballage, voilà. Hein, on a remplacé ça par adieu. Mais je suis bien d'accord avec toi que l'émerveillement fait partie des choses qui sont inspirantes. Oui. J'étais en train de me demander si là, par exemple, la petite phrase « créer la plus belle part de l'homme », on ne pouvait pas la compléter, justement, en disant « suscitant l'émerveillement ». Bien sûr. Ah oui. Bien sûr. Ça fait un peu long. Est-ce qu'on peut éviter le mot « susciter » tout en conservant « émerveillant » comment tu... Ou alors, on met dans la phrase qui est après « venez semer et vous émerveillez ». Je ne sais pas. Non, parce qu'en venant, ça ne va pas être... Ils ne vont pas s'émerveiller tout de suite. Non. Non, mais l'émerveillement fait partie de la démarche. C'est le truc, quoi. Alors, c'est plutôt le mode. Et ce mode se traduira à travers un jardin, à nul autre pareil, parce que... Alors, susciter, tu n'aimes pas. Alors, suscitant l'émerveillement, un truc comme ça... Mais ça réduit. Parce qu'il y en a qui s'émerveillent de... moi, je sais que j'ai mon petit-fils, là, lui, il s'émerveille devant tous les moteurs. Donc, c'est comme ça. Ben, le mien aussi, il te dit, c'est merveilleux. Il te dit, pour un truc banal, ça devient merveilleux. Ouais, c'est pareil. Alors, je ne lui ai pas encore expliqué la démarche, parce qu'il risque de revoir son vocabulaire. Mais, vous venez vous émerveiller. Et j'ai peur qu'on fasse des déçus, quoi. Oui, ça, c'est le danger. J'ai peur qu'on fasse des déçus. Et puis, il y a un autre truc qui me gêne, là. Tu peux redire la phrase, là, que tu évoquais, là ? Parce que venez cultiver votre jardin ou le jardin, mais ce jardin, il était impersonnel. Alors que l'intérêt de la chose, c'est que chacun vienne y construire son propre jardin. Mmh. Tu vois ce que je veux dire ? Ben c'est une terre est prête à vous accueillir et faire germer, ça ouvre, ça. Mais en effet, ce n'est pas l'objectif final. Le jardin merveilleux est un moyen pour... c'est le chemin pour que... Ensuite, pour susciter l'émerveillement, en fait. Mais en effet, on ne peut pas faire des promesses d'émerveillement. On ne peut pas. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Et puis, je dirais que l'émerveillement, c'est pas... Ce sont les témoins qui en parlent. Oui. Ce sont ceux qui diront après à d'autres qu'ils rencontreront, en disant, ben, va là parce que tu verras, tu seras émerveillé. Voilà. C'est pas un truc à écrire, c'est pas une publicité, c'est vraiment du bouche à oreille, du sens. Voilà. Oui, c'est très vrai. On est reconnu comme tel. Ça fait partie, en fait, ça fait partie de ces mots qui sont un peu galvaudés et utilisés à tous les coins, pour des affaires commerciales, pour des affaires... voilà. Donc, peut-être que ce n'est pas tout de suite qu'il faut le mettre. Non, non. T'as raison, Philippe, t'as raison. Ouais. Déjà, jardin merveilleux, c'est ça veut dire beaucoup de choses. C'est pas jardin collectif, c'est pas jardin partagé, c'est pas jardin permaculture, c'est pas voilà, c'est jardin merveilleux. C'est un peu la question que je posais sur la petite affiche que j'ai mise. Vous connaissez les jardins collaboratifs et participatifs. Qu'est-ce qu'un jardin merveilleux pour vous? Vous connaissez le site au-dessus de la ville de Nice qui s'appelle la Vallée des Merveilles? Oui. Non. Oui, on s'y est promené, on a fait des randonnées là. Ouais. C'est intéressant. Oui. C'est intéressant. Bon. Est-ce que ça est... Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour là, ouais, non? On a fait le tour. Est-ce qu'on définit, alors moi je vais attendre un petit peu des fois qu'il y a encore des choses qui mûrissent et que vous-même vous puissiez m'envoyer ou d'autres puissent m'envoyer. Ouais. Mais et déjà, puis, tu nous fais passer le texte? Oui. Que t'as reçu. Je te vois le dessin, je vous envoie le dessin. Et puis Roderick nous fait son dessin avec son petit nuage et puis la semaille, hein. Ah, oui, il y a une chose, là. Le nuage, il peut avoir de la pluie. Oui, oui, oui, oui, qui arrose le jardin. Qui arrose le jardin et les semailles. Bon, attends, je suis en train de déflorer ton job, là. Non, non, mais t'as tout fait raison. J'ai pensé à ça. T'as tout fait raison. Bon. Attends. Alors, je vous envoie ça tout de suite. Ouais, d'accord. Sinon, la semaine prochaine, à titre personnel, j'ai un rendez-vous auquel je ne peux pas me soustraire le jeudi 25. Est-ce qu'on pourrait se voir le 23 ou le 26 ou le 27? Alors, attends, je te mets ça. Il y a déjà Michaela qui m'a envoyé un truc. Là. Ah, ben voilà, c'est peut-être ce que je t'ai dit. Ça ne traîne pas. Ouais. Elle est dans l'action, oui. Voici. Là. Alors, où est-ce que c'est? C'est ici. Voilà. Pour moi, 25-26, ça va bien. Moi, 25, je ne suis pas dispo. Ah. Mais le 26, pas de problème. Je ne sais pas si Philippe est disponible. Alors attends, je suis en train de vous envoyer le texte, donc, pour éviter de zapper et de vous envoyer n'importe quoi. Voilà. Je ferme ça. Fermez tous les onglets. Voilà. Où est-ce que c'est ça? Voilà, rédactionnel 2. Oh, ça y est, il me fait une mise à jour. Pourquoi? Parce que Windows fait une mise à jour en ce moment. Et t'aurais déjà dû la faire il y a quelques jours. Il fait ça, ça... C'est... Bon, ça y est, c'est bon. Au milieu de la journée. Ça y est, c'est parti. Alors, on parlait de rendez-vous. Rendez-vous, moi je suis, la semaine prochaine, je serai à Clisson. Ah. Chez ma fille. Alors, donc ça se fera depuis là-bas. D'accord. Hop. Est-ce que le 26 irait ? Où est-ce qu'on est, Clisson ? Le vendredi ? Ouais. Ah non, non, non. Le vendredi 26. Je ne suis pas là. Rodrigue dispo le jeudi 25. Ou le mardi 23. Mardi 23, oui, oui, bonne idée. Bon, allez. Mardi 23, ça te va ? Je le note. Hein. Je verrai d'après ce qui se passe là-bas et s'il y a du grabuge. Ah bon ? Je saurais vous le dire. D'accord. Voilà. Extra, extra. Alors, site web. Voilà. 15h. Ça va. Enregistré. Voilà. Donc, on sera le 23 février. Hein? 23, mardi 23. D'accord. OK. Bon. Oh, oui. Eh bien, merci pour cette jolie après-midi de travail. Là, on a été... Est-ce qu'on définit quelque chose ou bien on verra à ce moment-là ? Ce qu'on pourrait définir, c'est notre futur podcast sur le jardin merveilleux. Mais que jardin merveilleux ? C'est-à-dire de parler de ce jardin merveilleux. Voilà, pour, d'expliquer le jardin merveilleux aux profanes. D'accord. Ok, je note ça comme sujet. Ça marche. Ça te va, Rodrigue ? Ouf, ça va être un grand os. Mais oui, tout à fait. Expliquer. De toute façon, c'est une question qu'il va falloir se poser si notre vidéaste veut faire quelque chose. Hein. Mais c'est clair, c'est clair. Et puis, c'est une question qu'il va falloir se poser si Monsieur Tout-le-Monde est au rendez-vous sur le jardin merveilleux. C'est ça. Alors, mardi. Alors, l'idée, moi, que je vous propose, c'est que... On vienne chacun avec nos idées. On va faire ça en deux temps. On vienne chacun avec nos idées. On échange sur nos idées. Est-ce que cette idée-là, elle peut être dans le podcast ou pas ? Et puis, la fois suivante, là, on aura une trame. Et si vous le souhaitez, j'anime le podcast de façon à rendre le jardin merveilleux intelligent. Donc, c'est venir avec des idées, dans un premier temps, pour mardi. Hein ? Oui. Donc, j'espère que j'aurai pu réfléchir là-dessus, parce que c'est vrai que c'est court, hein, d'ici mardi. Oui, c'est court, mais... Alors, comme je vais me déplacer... Mais les idées, tu les as, Philippe. Le tout, c'est qu'on ait ces idées-là. Après, à partir de ces idées, on construit une trame, et... Là, on fait dérouler comme on fait là en ce moment, mais de façon beaucoup plus restreinte, cet échange, de façon à le rendre intelligible. Mm-hmm. Hein ? Un jardin merveilleux, intelligible aux profanes. D'accord. Ça te va, Rodrigue ? Ça me va très très bien, oui. Voilà, et puis ça nous force un peu à bosser, parce que... Cette fois-ci, il y a que Philippe qui a bossé et puis toi qui a fait un petit dessin. Bon, là, on va mettre tout le monde sur le pont. Tout le monde, il ne restait plus que toi entre nous. Hein. Ben, c'est déjà pas mal. Il ne restait plus que moi. Tout à fait, tout à fait. Ça marche. Et je vais apporter ma contre. J'ai encore une toute petite question à Philippe. J'écoute. Sur ce que tu nous as envoyé, le rédactionnel... Il y a la photo, il y a un tout petit plan de Saint-Goustan. Oui. Est-ce qu'on ne mettrait pas un petit plan de la France avec un petit point noir où se trouve Saint-Gaustan? Ou est-ce que tu as trop peur qu'il y a des masses qui vont venir de toute la France au moment voulu? Bah, de toute façon, si c'est juste Ouest-France et le Télégramme, c'est distribué dans l'Ouest. Le cap des possibles, c'est à Auray. Oui, il y a juste Google, pour Google, qu'il peut y avoir ça. Mais je pense que sur le Google, en fait, je vais pouvoir faire un lien avec Google Maps, où là, je peux citer, je peux montrer où est-ce que c'est. Non. Oui, excellent. Ah, c'est ce qu'il faut faire, même. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il faut faire. Ouais, je pense que là, tu as répondu à la boucle est bouclée. Impeccable. Bon. Okay. Très bien. C'est bien. Merci beaucoup. Bon, les amis, on va se quitter. Je vous souhaite un très bon week-end. Et puis, on reparle du jardin mardi prochain à 15h. OK. Allez, salut. Ciao. Au revoir, Claude. Au revoir. Merci.